Est-ce qu'on a le droit de rassembler Al-Jumu'ah et Al-Asr? Toutes les réponses ont été données. On ne dit pas, est-ce que, j'ai pas dit est-ce que c'est obligatoire. J'ai dit est-ce que c'est autorisé. Et là, ce voyageur a voulu prier le Jumu'ah. Non. Donc on est d'accord que si le voyageur ne prie pas le Jumu'ah, cela veut dire qu'il prie Dhuhr. Et là, il peut rassembler Dhuhr et l'Asr. Mais là, on parle du voyageur qui a décidé de prier le Jumu'ah à la mosquée. Non? Non, il prie le Jumu'ah avec l'imam. Normal, de la gratte. Mais est-ce qu'il a le droit? C'est ça la question. Donc il y a trois réponses au total. Ah, la réponse c'est que cela n'est pas autorisé. Parce que la prière de Jumu'ah, c'est une prière à part entière. Et on ne peut pas comparer Al-Jumu'ah et Dhuhr. On ne peut pas comparer Al-Jumu'ah et la prière de Dhuhr. Pourquoi? Parce que ça va différencier entre l'heure de Dhuhr, entre la prière de Dhuhr et la prière de Al-Asr. C'est pour ça que l'heure, par exemple, de Al-Jumu'ah, beaucoup de savants autorisent de faire Al-Jumu'ah avant l'heure de Dhuhr. En divergence des savants, certains disent non, il faut attendre que le soleil dépasse son zénith, d'autres disent non, tu as le droit de prier Al-Jumu'ah même avant que le soleil ne dépasse de son zénith. Pourquoi? Parce que ce sont deux prières distinctes. Et c'est pareil pour le rassemblement. Ils disent qu'on rassemble entre Dhuhr et l'Asr, mais on ne rassemble pas entre Al-Jumu'ah et l'Asr, parce que Al-Jumu'ah c'est une prière à part entière, et il n'y a aucune preuve, ni dans le livre d'Allah, et ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient autoriser le rassemblement entre les prières de Al-Jumu'ah et les prières de l'Asr. Et c'est notamment l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et l'avis également de Cheikh Ibn Uthaymin, également, rahimahumallah. كم سامتا تم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك